Saïko Wawa, que dirige cet après-midi Maître Manuaku. Au contacteur. te manzebe chérie na papa pour la papa te manzebe chérie na toto mala ipote pae chérie na tisu tisu chopi pote